La question qui se pose est, le camion blanc va-t-il déboîter pour dépasser? S'il est vrai qu'il n'a normalement pas le droit de le faire, je ne peux pas prévoir son comportement. Ici, il existerait une solution pour gagner de l'espace, passer sur la voie de gauche. Mais cela ne peut se faire que si je ne gêne pas derrière. Une voiture nous dépasse. Il ne me reste qu'une solution pour éviter de me retrouver dans une zone à risque, ralentir un peu pour voir ce que le camion va faire et laisser passer la voiture qui dépasse. Réponse B.